Voyage à la Sierra Nevada. Premier chapitre. Aspinwall, le chemin de fer de Panama. Rouler dans une voile et le front caressé par le vent léger qui effleurait la mer, j'attendais sur le gaillard d'avant du steamer Philadelphia que les premières lueurs de l'aube éclairassent les montagnes de Portobello. Depuis quelques heures déjà, mes yeux étaient fixés à travers l'obscurité sur l'horizon noir, ça et là constellés. Enfin, les étoiles s'éteignirent l'une après l'autre. Le vague scintillement de la Voie lactée s'effaça et le reflet de l'aurore se déploya du côté de l'Occident comme une vaste tente blanche au-dessus de la terre. La masse des montagnes était encore plongée dans l'ombre, mais graduellement, la lumière descendit le long des versants et colora d'une teinte d'azur les cimes lointaines, montrant sur les escarpements plus rapprochés les forêts étalées comme un splendide manteau de verdure et mêlant quelques lueurs roses à la couche des brouillards qui reposaient au-dessus du rivage, entre la mer et le pied des collines. Bientôt ce voile de vapeur se déchira, dispersa ses lambeaux au hasard autour des récifs et sur la surface des flots, et nous révéla le vaste havre d'Aspinwall, ou Navy Bay, mollement épanoui entre les deux promontoires verdoyants de Chagres et de Limon. En même temps, les rayons du soleil levant glissèrent obliquement sur les vagues, et ne frappant que leurs crêtes, changèrent en une longue ligne d'or la blanche écume qui bordait les quais d'Aspinwall. Vue de la mer, la ville présente l'aspect des cités de l'Amérique du Nord, construites à la hâte dans l'espace de quelques années. Les maisons, de hauteur inégale, sont éparses sur la plage basse et marécageuse de l'île de Manzanilla, et du côté de l'ouest seulement, se rapprochent assez les unes des autres pour former des rues. Dans les terrains non occupés par les constructions, de grands arbres ébranchés sont encore debout, semblables à d'énormes potences. Au-delà de l'étroit bras de mer qui sépare la cité du continent, se pressent innombrables et touffus les arbres de la forêt. Un grand bateau à vapeur, 5 ou 6 goélettes à l'ancre, se balance sur les flots, à côté d'embarcations échouées qui élèvent au-dessus de l'eau leurs mâts vermoulus et tout incrusté de coquillages. Près du quai, un vieux navire à la coque moisie attend un raz-de-marée pour sombrer et contribuer à l'obstruction du port. Les jetées et les plateformes sont encombrées de houille, de bûches et de barils épars. Des wagons poussés à bras d'homme ou traînés par des mulets vont et viennent incessamment entre les navires et la station du chemin de fer de Panama, coquette et gracieuse maison dont 4 palmiers au tronc tordu ombragent la façade éblouissante de blancheur qui se détache sur le fond vert de la forêt. Une muraille, un rayon de soleil, il n'en faut pas davantage sous le ciel éclatant des tropiques pour composer un tableau merveilleux. À peine débarqué, les 300 passagers du Philadelphia furent assaillis par une foule d'hommes de toute race et de tout pays, nègres de la Jamaïque, de Saint-Domingue ou de Curaçao, chinois, américains, irlandais, parlant ou jargonnant chacun dans sa langue ou dans son patois, depuis le français ou l'anglais le plus pur jusqu'au papamiento le plus corrompu. Note 1. Le papamiento est un mélange de mots espagnols, hollandais, français, anglais et caraïbes qui sert de langue franque dans les Antilles hollandaises et sur les côtes de la Colombie. Fin de note. Harcelés par cette avide multitude, emportée presque de vive force, les voyageurs furent tumultueusement séparés et entraînés comme autant de proies vers les innombrables hôtels, auberges ou coupe-gorges qui composent la cité d'Aspinwall. Je croyais avoir échappé à la foule en me glissant derrière les monceaux de houille et les piles de bois qui encombraient les quais. Mais un ingre de Saint-Domingue parvint à me découvrir. M'accostant avec un salut en trois langues, il s'imposa comme mon guide et de toute la matinée, je ne pus me débarrasser de cet importun défenseur. Aspinwall jouit dans l'Amérique entière d'une si mauvaise réputation sous le rapport de la salubrité que je m'attendais à voir comme un grand cimetière où se promèneraient des ombres d'hommes tremblant leur fièvre. Mais il n'en est pas ainsi. Les nègres et les mulâtres qui forment la majorité de la population d'Aspinwall ont un air de santé et de contentement qui réjouit le cœur. Ils se trouvent là, dans un pays semblable à celui d'où sont venus leurs pères, et comme les plantes tropicales, ils végètent luxurieusement dans cette terre grasse et marécageuse, réchauffée par un soleil de feu. En voyant leur démarche tranquille et leur mine florissante, on comprend qu'ils sont ici chez eux et que l'avenir de l'isthme leur appartient, aussi bien que celui des autres régions de l'Amérique torride. Quant aux Blancs et aux Chinois, ceux qui ont pu résister à la terrible fièvre semblent soutenus ou même guéris par cette ardente avidité qui seule a pu leur permettre d'aller planter leur industrie dans le royaume même de la mort. Un feu sombre, brillant dans leurs regards presque féroces, éclaire leurs visages jaunes et amaigris. Leurs mouvements saccadés et nerveux montrent qu'ils ne vivent pas de la vie naturelle de l'homme et qu'ils ont sacrifié au gain tout sentiment de bonheur tranquille. Le père qui amène ses enfants dans cette ville en tue l'un ou l'autre aussi sûrement que s'il eût plongé un couteau dans le cœur. Mais il n'hésite pas, et, bravant pour lui et pour les siens l'insalubrité de ce terrible climat, il s'en va, calme et résolu, attendre à Aspinwall les oiseaux de passage que ses risques même lui donnent le droit de dépouiller. Il peut mourir à la peine, cela est vrai, mais s'il est soutenu par la sombre énergie du gain, il pourra se retirer après quelques années de travail à New York ou à San Francisco, veuf ou privé de ses enfants, mais puissamment riche. Il est du reste assez rare que les aventuriers venus à Aspinwall de tous les coins du globe amènent avec eux enfants ou femmes. Celles-ci ne forment qu'une très faible minorité de la population dans la ville naissante, et l'on sait que toute société où manque la femme devient nécessairement grossière, immorale, impudique. Loin de ces regards qui charment et subjuguent jusqu'aux êtres les plus épais, l'homme s'affranchit complètement des mœurs, de toute politesse, de toute dignité. Il se précipite en plein vice, tête baissée. Il se complaît en son abrutissement et s'en fait gloire. Les liens du commerce sont les seuls qui rattachent les uns aux autres les membres d'une société de cette espèce. Aussi, malheur à celui qui ne peut rien offrir en échange du service qu'il demande. Le plus grand édifice de la ville est l'hôpital. Un malade peut s'y faire transporter moyennant 100 francs d'entrée et 25 francs par jour. Sinon, qu'il se fasse déposer à la porte et qu'il meure. L'étranger mourant de soif dans une rue d'Aspinwall pourrait se traîner longtemps de porte en porte sans trouver de blanc charitable qui lui donnât gratuitement un verre d'eau. Seuls les nègres méprisés auraient peut-être la générosité de mouiller ses lèvres. Je n'oublierai jamais l'aspect de la salle d'auberge dans laquelle j'entrais pour déjeuner et me reposer du mal de mer. Autour d'une longue table en bois noircie par l'usage, se pressaient une centaine de voyageurs de toutes les nationalités. La table était comme au pillage. Chacun se précipitait sur les plats qui étaient à sa convenance et tâchait de s'en assurer la meilleure part. Les cris, les exclamations, les disputes se croisaient dans tous les sens. À une extrémité de la salle, des groupes de Californiens aux yeux hagards, aux cheveux en désordre, aux vêtements déchirés, jouaient leurs piastres et leurs poudres d'or sans se soucier aucunement des étrangers qui venaient d'envahir l'hôtel. Parmi ces groupes régnait le plus âpre silence, interrompu de temps en temps, selon les chances du sort, par des rires sardoniques ou par des blasphèmes. Une dame, jadis blanche, mais jaunie par les fièvres, présidait au service de la table. Ses grands yeux ardents roulaient dans de trop larges orbites. Sa peau sèche et tendue comprimait les pommettes de ses joues et son vaste front uni comme du marbre. Ses lèvres violettes et toujours ouvertes laissaient voir de pâles gencives. Sous sa robe très ample, qui sans doute avait autrefois recouvert des formes voluptueuses, on pressentait un corps de squelette. De l'ancienne beauté, il ne restait à l'hôtesse que d'abondants cheveux noirs, encadrant son visage émacié. Et pourtant, cette femme, qui déjà semblait appartenir au tombeau, ne montrait aucune défaillance. Sa voix était décidée, son regard intrépide, son geste souverain. Elle était soutenue par la fièvre la plus terrible que celle qui la minait, la fièvre sacrée de l'or. La grande rue d'Aspinwall présente un aspect étrange. Des pavillons et des banderoles flottent devant toutes les maisons, comme dans une rue de Pékin. Des blancs, des nègres, des chinois crient, gesticulent et se battent. Des enfants tout nus se roulent dans la poussière et dans la boue. Des cochons, des chiens et jusqu'à des moutons dévorent côte à côte d'innombrables ordures que les vautours, perchés sur le bord des toits, contemplent d'un œil avide. Des singes attachés hurlent, des perroquets et des perruches poussent leurs cris stridents. C'est une étrange cohue dans laquelle on ne s'engage qu'avec une sorte de frayeur. Les Indiens seuls manquent dans cette Babel. Effarouchés par les envahisseurs de leur pays, ils osent à peine rôder timidement autour de cette ville qui s'est élevée comme par enchantement dans un îlot marécageux. Le drapeau tricolore de la Nouvelle-Grenade flotte sur une maison d'Aspinwall, mais l'autorité grenadine, loin de gouverner, doit se féliciter d'être simplement tolérée. La compagnie du chemin de fer, déclarée simple propriétaire de l'île par acte du Congrès grenadin, est en réalité la vraie souveraine du versant atlantique de l'isthme et ses décisions, qu'elles soient ou non ratifiées par le réfet politico d'Aspinwall ou par le congrès de Bogota, ont réellement force de loi. Ce sont des Américains sans peur qui ont osé mettre le pied sur cet îlot malsain de Manzanilla, qui, dans la vase fumante de miasme où la mort germe avec les plantes, ont enfoncé les pilotis où devait s'asseoir la ville, qui ont appelé de tous les points de la terre les hommes avides en leur criant « Faites comme nous, risquez votre vie pour la richesse !» Ils ont même apporté des États-Unis la plupart des maisons toutes construites, et c'est encore aux États-Unis qu'ils envoient chercher leur farine, leurs biscuits, leur viande et jusqu'à leur combustible. La ville est leur création. Ils se sentent le droit de la gouverner et ils lui ont donné le nom d'un des plus forts actionnaires de la compagnie, le négociant Aspinwall. Les protestations solennelles de la République grenadine n'ont pas encore réussi à imposer le nom officiel de colon à la cité naissante. Les agents de la compagnie américaine sont donc seuls responsables de la salubrité de la ville. S'ils daignaient s'occuper d'assainissement, la population de 4 ou 5 000 habitants doublerait, triplerait dans l'espace de quelques années. Mais au lieu de songer à dessécher les marais, ils en ont formé d'artificiels. Pour construire un bel entrepôt en lave noire, les ingénieurs ont choisi une ligne de récifs à quelque distance du rivage. Et la nappe d'eau qu'ils ont ainsi séparée de la baie est devenue un marais infect, rempli de débris putréfiés et couvert d'un limon sous lequel veille perfidement la terrible fièvre de chagre. Monsieur Frebel, qui a visité l'embouchure de la rivière Chagre et en a laissé une belle description, note 1. 7 Years Travels in Central America, fin de note, dit avoir distinctement senti sur sa langue le goût des miasmes paludéens. Le chemin de fer à une seule voie qui réunit Aspinwall à Panama n'a que 72 km de longueur et traverse l'isthme presque en ligne droite du nord-ouest au sud-est. Il a coûté plus de 500 000 francs par kilomètre, somme énorme comparée aux frais d'établissement des autres chemins de fer de l'Amérique. Cependant, et quoi qu'on en dise, les travaux d'art n'ont rien de gigantesque. Il a fallu réunir l'île de Manzanilla au continent par un pont fondé sur pilotis, traverser plusieurs marécages, élever de forts remblais aux approches des rivières, franchir le fleuve Chagre sur un pont de 200 mètres et creuser quelques tranchées, surtout au point culminant du chemin de fer, élevé seulement de 80 mètres au-dessus du niveau de l'océan. Mais depuis longtemps, les ingénieurs ont appris à vaincre ces difficultés. Le grand obstacle à la construction de cette ligne ferrée fut la terrible mortalité qui sévissait parmi les ouvriers. La promesse d'une paye très élevée n'en exerçait pas moins une séduction irrésistible à laquelle des milliers d'hommes de toutes couleurs et de toutes races se laissèrent entraîner et les travailleurs commencèrent hardiment, les pieds dans la vase brûlante des marécages, à scier les troncs des palétuviers, à enfoncer des pilotis dans la boue, à charrier du sable et des cailloux dans l'eau corrompue. Combien de malheureux, harcelés par les insectes malfaisants, aspirant à chaque souffle les miasmes perfides qui reposent sur la surface des eaux, étourdis par le soleil impitoyable qui leur brûlait le sang dans les veines, se sont péniblement traînés sur la terre ferme et couchés pour ne plus se relever. Il est passé en proverbe que le chemin de fer de Panama a coûté une vie d'homme par traverse posée sur la voie. C'est là une exagération évidente, car ce fait supposerait la mort de plus de 70 000 ouvriers. Mais il est certain que la compagnie n'a pas jugé à propos de publier et probablement n'a jamais su le nombre de ceux qui sont morts à son service. Les Irlandais, plus exposés que d'autres à cause de l'exubérance de leur vitalité et de la richesse du sang qui court en d'innombrables filets sous leur peau fine, furent presque tous exterminés par la maladie, si bien que les agents de la compagnie renoncèrent à faire venir de New York ou de la Nouvelle-Orléans d'autres terrassiers de cette nation. Les nègres des Antilles eux-mêmes souffrirent beaucoup des atteintes du climat et, peu soucieux d'augmenter leurs économies aux dépens de leur santé, se retirèrent en foule pour jouir à la Providence, à la Jamaïque, à Saint-Thomas, des douceurs du Farniente. Quant aux Chinois, qui, sur la foi de promesses magnifiques, avaient quitté leur pays afin d'aller s'enrichir de piastres américaines au-delà du Grand Pacifique, on les vit par centaines mourir de fatigue et de désespoir. Nombre d'entre eux se donnèrent la mort pour éviter les souffrances de la maladie qui commençait à leur tordre les membres. On raconte qu'au plus fort de l'épidémie, une multitude de ces pauvres expatriés alla s'asseoir à la chute du jour sur les sables de la baie de Panama, qu'avaient abandonné depuis quelques heures les flots de la marée. Silencieux, terribles, regardant à l'occident le soleil qui se couchait au-dessus de leur patrie si lointaine, ils attendirent ainsi que le flot remonta. Bientôt, en effet, les vagues revinrent tourbillonner sur les sables de la plage. Les malheureux se laissèrent engloutir sans pousser un cri de détresse et la mer roula son vaste linceul sur eux et sur leur désespoir. la voie ferrée de l'isthme est loin de rendre au commerce et à l'humanité les services qu'on pourrait en attendre. La faute en est certainement au monopole et au taux exorbitant des prix exigés par la compagnie qui fait payer aux voyageurs la somme de 125 francs pour un simple trajet de 72 km et demande jusqu'à 1000 francs par tonne de marchandises expédiées en grande vitesse. Aussi, le chemin de fer ne transporte-t-il de mer à mer que 30 à 40 000 voyageurs par an, c'est-à-dire moins que notre réseau de l'Ouest en un jour. Le mouvement des marchandises entre les deux océans représente une valeur totale d'un tiers de milliard. Mais les articles expédiés consistent simplement en or de Californie, en argent du Mexique et autres objets offrant un grand prix sous un petit volume. Toutes les marchandises encombrantes dirigées d'une mer sur l'autre suivent encore la voie du Cap Horn. Bien que leur valeur moyenne s'élève à 1 milliard environ, la compagnie ne songe pas à abaisser son tarif dans le but de prélever un bénéfice sur ce commerce immense. Plutôt que d'acquitter les prix énormes stipulés par la compagnie du chemin de fer pour le transit des marchandises, les négociants de New York et de San Francisco préfèrent imposer à leur cargaison un détour de 9600 km et une prolongation de 60 jours de traversée au milieu des tempêtes de l'océan Austral. À l'exception des grands paquebots qui portent régulièrement les passagers et les malles, presque tous les navires qui abordent à Aspinwall et à Panama sont de simples goélettes faisant le service du cabotage entre les ports de la Nouvelle-Grenade et de l'Amérique centrale. Et cependant, le transport des voyageurs et des métaux précieux suffit pour faire gagner environ 40% chaque année aux actionnaires de la compagnie. Plus tard, ils pourront encore accroître leurs bénéfices en vendant les 100 000 hectares de terre fertile que leur a concédé la République grenadine. Jusqu'à ce jour, la compagnie de l'isthme n'a eu qu'une seule concurrence à redouter, celle des bateaux à vapeur du lac de Nicaragua, et même grâce aux pirateries de Walker, grâce aussi aux intrigues des plénipotentiaires américains qui exigeaient pour les États-Unis une quasi-souveraineté sur la route de transit, cette concurrence a complètement cessé pendant quelques années. Tôt ou tard néanmoins, les voies ferrées interocéaniques de Tehuantepec, de Honduras, de Costa Rica, de l'isthme de Chiriquí seront achevées et il se peut aussi que la Nouvelle-Grenade, justement mécontente de ce que la compagnie de Panama ne lui paye pas l'intérêt annuel convenu, permette à une compagnie rivale de construire un autre chemin de fer entre les deux mers. Il est évident que cet isthme allongé, qui se ploie si gracieusement entre les deux Amériques sur une longueur de 2200 km et sépare de son étroite bande de verdure les immenses nappes bleues des deux grands océans du monde, ne doit pas rester une solitude effrayante où, çà et là, germent des embryons de villes. Un jour, les peuples de la Terre s'y donneront rendez-vous. Des Constantinople et des Alexandrie se bâtiront à l'embouchure de ces fleuves. Ces marécages se transformeront en champs fertiles et le volcan païen de Momotombo, qui d'après la tradition se faisait un devoir d'engloutir les missionnaires chrétiens, admettra sans doute sur ces vastes flancs les bûcherons et les agriculteurs paisibles. Fin du premier chapitre.